City Sonic 2012 et aujourd'hui nous sommes en compagnie d'Étienne Bultinguer à la collégiale Sainte-Vaudru de Mons. Et nous allons parler d'une installation assez spectaculaire. Bon, vous ne la voyez pas, mais on va vous l'expliquer. Une installation qui va jouer sur les sonorités, enfin sur les acoustiques de l'église. Mais bon, je vais laisser Étienne vous en parler. Il le fera beaucoup mieux que moi. Donc voilà. Alors c'est effectivement un travail sur l'espace. C'est une composition que j'ai fait pour ici. J'ai visité l'endroit deux fois et en pensant à cette acoustique, j'ai essayé de faire une trame musicale qui joue avec l'espace. Donc en fait, moi je dis que c'est un... Je pourrais presque employer le terme concerto, mais disons que c'est une œuvre pour 24 haut-parleurs et la collégiale, c'est-à-dire l'acoustique de la collégiale. Alors j'utilise effectivement des moyens techniques... Donc pas mal de haut-parleurs et puis des haut-parleurs très particuliers qui sont des haut-parleurs hyper directionnels et ces haut-parleurs je les projette sur des miroirs de son, en fait sont des surfaces en bois qui tournent animées par la force du vent, un ventilateur, et donc vu qu'ils tournent, c'est comme un espèce de faisceau de lumière, c'est le faisceau de son qui va se déplacer et qui va occuper l'espace de la collégiale en rebondissant sur plein de murs. Alors, et ici, il y a vraiment de quoi rebondir. Oui. L'espace est impressionnant. Alors effectivement, je dirais que c'est un effet un peu anecdotique que je n'emploie pas systématiquement, sinon ça aurait été juste une bande de démonstration. Et mon idée de base, c'était le double, c'est-à-dire le titre, que c'est Doppelganger. C'est une espèce d'autre soi-même qu'on découvre des fois par hasard quand on se regarde dans un miroir. Et on ne se reconnaît pas, quoi. Mmh. Et donc cet autre soi-même, c'est donc un écho, une mémoire. Enfin, il y a plein d'entrées possibles sur ce thème-là. Le symbolique. Oui, tout à fait. On est dans un lieu symbolique, d'ailleurs. Mais effectivement, ici, c'est un lieu très chargé. Enfin, moi, j'ai trouvé ça chargé positivement, puisque j'ai passé quelques nuits ici, seul, avec les clés. Seul pour régler, et je trouve que c'est un endroit très positif, les ondes. Et on est dans un festival d'art sonore, donc avoir de bonnes ondes, c'est important. Oui, tout à fait. Et donc le deuxième dispositif, à part donc le miroir de son, là, c'est des grands tubes qui pendent sur le côté de la nef. J'ai 6 tubes par côté, donc 12 en totalité. Et ces tubes, c'est aussi un rappel des tubes de l'orgue. Donc c'est un sens aussi symbolique. Et puis c'est aussi un conducteur de son, donc ça rend des petits haut-parleurs un peu directionnels, donc audibles dans une acoustique très réverbérée, quoi. C'est ce que tu appelles, je crois, sur un texte, l'expression m'a plu, des pinceaux sonores. Ben oui, c'était l'impression... C'est toujours difficile de définir son travail, je parle par les moyens, quoi. Et donc c'est une expression que j'ai, enfin c'est ce que j'ai trouvé pour définir ça. Finalement, dans toute l'explication que j'essaye de trouver à mon travail, il y a toujours des comparaisons soit avec la gastronomie et la cuisine, c'est-à-dire toute la dégustation des sons, l'attention qu'on a à différentes strates de sensations, et puis avec le visuel. Qui est la direction du son ou de la lumière, qui sont des choses très ponctuelles qu'on a du mal à imaginer en son, c'est plus facile à illustrer, disons, avec des comparaisons lumineuses. Alors, pour la petite histoire ou l'histoire tout court, le fait d'utiliser beaucoup de haut-parleurs a un rapport direct avec d'autres branches de ton travail. Oui, effectivement, j'ai deux parrains et grand maître immédiat. Le premier, c'est Jean-Pierre Drouet, c'est un percussionniste français que je côtoie depuis très longtemps avec mon métier d'ingénieur du son et sonorisateur. Et lui, il a un rapport à la matière frottée. J'ai eu l'occasion de collaborer, et je le fais encore cette année à l'Opéra de Lille. Donc un rapport au geste, à la matière brute, à la résonance de la matière, et puis après, bien sûr, que lui, il a le geste du percussionniste que je n'ai pas. Donc, il y a lui d'un côté, et l'autre grand maître, c'est Pierre Henry, avec qui je collabore depuis 22 ans, dont je fais la conception des systèmes maintenant, et qui m'a appris, je reprends le terme déguster, parce que je suis gourmand, en fait, à pouvoir apprécier un volume et imaginer par rapport à un volume une conception de diffusion qui doit marcher ou qui doit correspondre à cet espace. Mmh. Et c'est vrai que... Alors, j'avais pu voir une autre de tes installations de nuit en forêt qui reprenait au moins un des principes de ces sortes de canons à son, mais dans une toute autre ambiance, nocturne. Effectivement, c'est un moyen qui me va, déjà. Et puis, c'est un moyen économique. C'est aussi une bonne raison pour que ça me corresponde. Et d'autre part, à Paris, je suis artiste associé à Lutri Urbaine, qui est, je dirais, une association avec un collectif autour de Jean-Louis Méchali, où il y a tout un développement de Lutri, je vais dire, avec des matériaux de récupération. Quoi. Donc, toute une pédagogie... Du recyclage. Du recyclage. Et donc, je reprends pour la xième fois, de la dégustation de sons. Puisqu'en fait, il faut apprendre à écouter, à apprendre à imaginer l'utilisation musicale de sons qui ne sont pas forcément musicaux à la base. Oui, ça c'est la... On a hérité ça de beaucoup de Pierre Schaeffer, mais d'autres avant. Mais... Non, bien sûr. Oui, effectivement, j'ai eu l'occasion dans mon parcours, on va dire, de rencontrer, je sais pas comment dire, une page complète du dictionnaire de la musique, dans le sens où j'ai travaillé à l'IRCAM une quinzaine d'années, donc j'ai travaillé avec Pierre Boulez, où j'ai suivi l'élaboration de Réponds et puis d'Explosante. Et puis Pierre Henry, bien sûr. J'ai eu l'occasion de travailler plusieurs fois avec Stockhausen, avec Chelsea en Italie, avec Berlioz. Donc j'ai vraiment été au cœur de la création. Oui, de voir ces grands maîtres travailler avec leur trip. Oui, et chacun avec des dispositifs parfois surprenants. Tout à fait, oui. J'ai pas été jusqu'à l'hélicoptère, mais avec Stockhausen, mais effectivement. Il n'y a pas de limite à la créativité de ces compositeurs. Stockhausen maniait le côté mythique aussi, et mystique parfois. Oui, tout à fait, oui. Voilà, ben donc là, l'installation est pratiquement achevée, puisqu'on est on est un tout petit peu en amont de l'inauguration, du vernissage du festival. Et peut-être qu'on va en entendre quelques sons bientôt. Tout à fait. Là, je suis à J-1, donc cette nuit, j'ai réglé. La nuit prochaine, je vais régler. Je profite en fait de ces périodes de calme pour pouvoir me promener dans l'acoustique. Parce que j'ai imaginé cette durée, c'est-à-dire 22 minutes, qui correspond à mon sens à une visite du bâtiment. Donc ça s'adresse d'une part, bien sûr, aux gens qui viennent pour le festival et qui veulent écouter, et puis aux gens qui viennent ici pas par hasard, mais pour le bâtiment. Et j'espère les accompagner sans les perturber. Voilà, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais il y a des contraintes dans un lieu comme celui-ci. Effectivement, j'ai, en arrivant lundi, j'ai eu des découvertes fâcheuses, on va dire. Des choses que j'avais prévues n'ont pas pu se faire, puisqu'il y a des contraintes dues au baptême, au mariage. Et j'avais anticipé plein de choses, mais pas le chemin que prennent les mariages ou les processions, auquel cas il a fallu que je déplace un peu mon point d'ancrage. Voilà, mais tout devrait sonner quand même. Oui, tout à fait. Oui. Et c'est pour ça que je prends deux nuits pour pouvoir rebondir et refaire des petits réglages pour que ça me corresponde. La nuit porte conseil, dit-on. Oui. À l'oreille. Tout à fait. Voilà, et bien, merci de ces précisions. Il ne reste plus qu'à faire sonner la machine. Oui, ben je vais monter à l'orgue, là. C'est juste une trentaine de marches et j'y suis. Merci.